Titanic, Transcode, Alpha, Bravo, Charlie, Delta, Echo, Foxtrot, Golf, Hotel, India, Juliet, Kilo, Lima, Mike, November, Oscar, Papa, Quebec, Romeo, Sierra, Tango, Uniform, Victor, Whiskey, X-Ray, Yankee, Zulu, Nada Zero, Unawan, Bisotu, Teratri, Carte Fort, Penta 5, Soxy 6, CD7, Octo 8, Nove 9, Yankee, Victor. Les groupes qui suivent sont extraits du code international des signaux. Tango, India, Tango, Alpha, November, India, Charlie, Titanic, Uniform, Victor, Sierra, Oscar, Uniform, Tango, Hotel, Alpha, Mike, Papa, Tango, Oscar, November. Ma provenance est Southampton. Uniform. November, Echo, Whiskey, Yankee, Oscar, Romeo, Kilo. Ma destination est New York. Victor, Sierra, Nada Zero. Navigation normale, pas d'obstacle. Whiskey, Yankee, Bisotu. La mer est belle. Whiskey, Papa. Le baromètre est stationnaire. X-ray, Zulu, Penta 5. La force du vent est constante. X-ray, Romeo. Le temps est beau. Yankee Delta Penta 5. On prévoit que la force du vent restera constante. Whiskey Victor Unawan. On prévoit que la température de l'air sera au-dessous de zéro. X-ray Papa Unawan. J'entre dans une zone de visibilité réduite. Papa Juliet. Je ne peux pas maintenir ma route actuelle. Mike Yankee Bisotu. Il est dangereux de continuer la route actuelle. Victor Zulu. La présence d'iceberg rend la navigation dangereuse. Victor Québec Octo 8. Fleuve grand et lourd. Victor Romeo Penta 5. Formation de glace nouvelle. Victor Whisky. J'ai vu des icebergs au point 41 degrés 46 minutes nord, 50 degrés 14 minutes ouest. Lima, Juliet, je diminue de vitesse. Victor X-Ray, j'ai rencontré un iceberg. Victor Romeo, 77, les glaces se resserrent. Victor Romeo, 66, les glaces se soudent. Mike Yankee, Carte Fort, il est dangereux de changer de route vers Tribord. Hotel Whiskey, 66, j'ai eu un abordage avec un iceberg. Mike Yankee, Unawan, il est dangereux de rester sur place. Québec, India, Territory, je vais faire en arrière. Québec, India, Unawan, les machines sont en arrière. Québec, India, Carte Fort, je vais faire en arrière très lente. Sierra, Papa, Unawan, mon navire est stoppé et n'a plus d'air. Québec, Kilo, je ne peux pas faire en arrière. Victor, Sierra, Octo 8, navigation provisoirement interrompue. Juliette, Whiskey, j'ai une voie d'eau. Victor, Sierra, Nove 9, navigation interrompue. India, Bravo, Carte Fort. L'étendue des avaries est encore inconnue. Juliette, X-Ray, la voie d'eau augmente rapidement. Juliette, Whiskey, Unawan, la voie d'eau est dangereuse. Kilo, Charlie, mes cales sont noyées. Juliette, Whiskey, Bisotu, la voie d'eau me fait prendre une gîte dangereuse. Hotel, X-Ray, Bisotu, j'ai subi de graves avaries au-dessous de la ligne de flottaison. November, India, j'ai une gîte de 5 degrés sur tribord. Juliette, X-Ray, Unawan, je ne puis colmater la voie d'eau. Golf, Mike, je ne puis sauver mon navire. Alpha, Echo, il me faut abandonner mon navire. Alpha, Charlie, j'abandonne mon navire. Sierra, Oscar, Sierra, Sierra, Oscar, Sierra, Sierra, Oscar, Sierra. SOS, SOS, SOS. Delta, X-Ray, Delta, X-Ray, Delta, X-Ray, Delta, X-Ray, Delta, X-Ray.